Psaume 61. Psaume de David, donné au maître chantre, pour le chanter sur Néglinote. Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma requête. Je crierai à toi du bout de la terre, lorsque mon cœur se pâme, conduis-moi sur cette roche, qui est trop haute pour moi. Car tu m'as été pour retraite, et pour une forte tour au-devant de l'ennemi. Je séjournerai dans ton tabernacle durant un long temps, je me retirerai sous l'ombre de tes ailes, c'est là. Car tu as, ô Dieu, exaucé mes vœux, et tu m'as donné l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Tu ajouteras des jours aux jours du roi, et ses années seront comme plusieurs âges. Il demeurera toujours en la présence de Dieu, que la gratuité et la vérité le gardent. Ainsi je psalmodierai ton nom à perpétuité, en te rendant mes vœux chaque jour.